Das Möllern ist kaputt. Alors, vous venez d'écrire un livre intitulé Racisme, mode d'emploi. Alors, à quoi selon vous peut-on assimiler ce racisme de tout un chacun? Le melon est cuit, et tatar à pourri. Plus personne peut se voir, t'as celle gueule, mon petit. Sur sa pute de la mèche, je voudrais me tirer. Après 3 kilos, les gélis que tiens. En plus, c'est du racisme. Ça, c'est ton opinion personnelle que je suis raciste. Caca dans ta mousquille. Tant que tu aimeras passer, ça se voit sur ta gueule. Tu me pullis, t'agresses les mamies. Tu abuses de ton usufruit. Mon os assis à Pomentieux, dit Nestor.